6. Le repère des bandits. La cité des nuages et des oiseaux, d'Antoine Diogène. Folio Zeta. De mes larges naseaux, je humais l'odeur des roses qui poussaient dans les derniers jardins de la ville. Ah, qu'il était doux ce parfum, et si plein de mélancolie! Mais chaque fois que je tentais de m'en approcher, les cruels voleurs me frappaient de leur badine ou du plat de leur épée. Mon fardeau me piquait les flancs à travers les sacoches. Mes sabots non ferrés me mettaient au supplice, et la route sinueuse montait sans fin vers les montagnes rocailleuses et arides du nord de la Thessalie. De nouveau, je maudis ma mauvaise fortune. Lorsque j'ouvrais la bouche pour sangloter, il ne s'en échappait qu'un braiement sonore et pitoyable, et les coups des vauriens redoublaient. Les étoiles se retirèrent du ciel, et un soleil ardent se leva tandis qu'il m'entraînait toujours vers les sommets, si haut que plus rien ne poussait. Harcelé par les mouches, le dos cuisant, je ne voyais que rochers et à pic, aussi loin que portait mon regard. À la faveur d'une halte, on me laissa grignoter des chardons piquants, qui entamèrent mes lèvres délicates, tandis que pesait dans mes sacoches tout le butin dérobé à l'auberge. Non seulement les joyaux de la maîtresse des lieux, bracelets et diadèmes ornés de pierreries, mais aussi de tendres miches de pain blanc, des viandes en salaison et des fromages de chèvre. À la tombée de la nuit, nous atteignîmes l'entrée d'une grotte dans un défilé rocheux. Les bandits qui m'avaient emmené furent accueillis par un groupe de leurs semblables, et l'on me poussa à travers plusieurs salles où étincelaient l'or et l'argent de leurs larcins, pour m'abandonner dans une misérable caverne sombre. J'avais du foin moisi pour seule pitance, et rien d'autre pour m'abreuver que le petit filet d'eau qui s'infiltrait dans la roche. Toute la nuit, j'entendis résonner les rires des voleurs occupés à festoyer. Je versais des larmes sur